Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec ou sans rendez-vous, par le professeur Olivier Lioncamp. Bonjour. Avec ou sans rendez-vous traite aujourd'hui de la rééducation du langage chez l'adulte. Lorsqu'un homme perd l'usage de la parole, sa vie relationnelle est interrompue. Que peut-on faire sans langage ? Un accident vasculaire du cerveau, un traumatisme du cerveau, une tumeur du cerveau peuvent détruire les aires du langage et provoquer alors une aphasie. Comment prendre en charge ces patients ? Comment leur apprendre à pouvoir s'exprimer à nouveau ? C'est le but de la rééducation du langage dont nous allons nous entretenir aujourd'hui avec Philippe Van Écoute. Philippe Van Écoute est orthophoniste, fondateur du groupe des aphasiques d'Île-de-France et président de l'association des Loctine Syndrome, ces hommes et ces femmes qui ne peuvent échanger avec le monde extérieur que par le seul clignement des paupières. Philippe Van Écoute, bonjour. Bonjour Olivier Lioncamp. Nous sommes au centre de rééducation du langage de la Pitié-Salpêtrière, avec Philippe Van Écoute, qui accueille aujourd'hui, comme il le fait chaque semaine, des patients qui souffrent d'aphasie, c'est-à-dire de difficultés du langage acquises chez l'adulte. Acquise, ça veut dire que ceci est survenu au cours de l'existence et qu'ils ont connu des périodes où ils pouvaient s'exprimer normalement. Tiens, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Le. Très bien. Le soleil. Le soleil. Oui. Le soleil. Le soleil. Oui, très bien. Et quand il dit le soleil, au début, c'est... Il a une approche du mot, oui. C'est-à-dire qu'il a un problème articulatoire, mais aussi un problème de la conscience du son qu'il n'a pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il a une voix qui est une voix de sourd. Oui. Et là, il commence à avoir un contrôle, un feedback, oui. Un retour de ses propres paroles, donc il arrive à avoir une autocorrection. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Oui. Le cheval. Oui. Le cheval. Le cheval. Encore une fois. Le cheval. Le cheval. Très bien. Philippe Van Écoute. Très bien. À quel type de patient vous adressez-vous ? Je m'adresse à des gens qui ne peuvent plus parler ou qui parlent de façon très altérée. Je m'adresse donc à des aphasies d'origine vasculaire. Après un accident vasculaire, les zones du langage peuvent être perturbées, peuvent être lésées. Il y a une aphasie, il y a des aphasies. Et puis je m'adresse aussi au traumatisme crânien. Les traumatismes crâniens, là, il y a des troubles qui viennent s'ajouter, c'est des troubles de mémoire, des troubles cognitifs, et ces traumas crâniens, on pense naturellement aux accidents de la route. Et puis on s'adresse à les orthophonistes, à l'heure actuelle, ça s'adresse aussi à des maladies dégénératives, à des gens atteints de maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est-à-dire, ce sont des maladies très diverses au cours desquelles les aires du langage sont touchées. Les aires du langage siègent où chez l'homme droitier? Les aires du langage chez l'homme droitier siègent dans l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, et en particulier lorsqu'on fait un accident sylvien, Sylvien, de l'artère sylvienne est bouchée, et naturellement, il n'y a plus de vascularisation de toute la zone frontale, pariétale, temporale. Donc, il va y avoir des troubles au niveau des troubles articulatoires, au niveau de la fabrique des mots. On va avoir des troubles au niveau de lecture, c'est-à-dire sur le plan, dans la région pariétale et temporale. On va avoir des troubles du décodage, c'est-à-dire avec des troubles de compréhension du langage. On ne comprend plus ce que les gens disent. Ça veut dire qu'il y a plusieurs versants dans le langage. Il y a le versant auquel, évidemment, tout le monde pense, c'est le versant de l'expression. Et ça, c'est plutôt dans les régions antérieures du cerveau, celles qui sont proches des zones qui commandent la musculature de la bouche, de la face, de la langue. Et puis, il y a, au contraire, et ça c'est un peu moins connu, des troubles du langage qui se caractérisent par des troubles de la compréhension. L'incapacité que ont les gens à décoder ce que leur environnement leur dit. C'est deux aphasies différentes. Ce sont deux aphasies totalement différentes. Deux aphasies différentes. La première aphasie que vous avez très bien décrite, c'est l'aphasie motrice où on fabrique les mots. Avec notre zone frontale, nous fabriquons nos mots. On fabrique les mots, on articule correctement les mots. Et ça, c'est l'aphasie motrice. Et puis, il y a l'aphasie, naturellement, qu'on appelle sensorielle, parce que finalement, ça touche toute la sensibilité du langage, toute la sensorialité du langage. Et là, c'est la compréhension du langage qui est touchée, dans la zone temporale. Et c'est la zone temporale qui, les sons arrivent, les messages arrivent dans l'oreille, passent par l'oreille moyenne, puis par l'oreille interne, pour aller naturellement dans la zone temporale et pour être décodé, pour être compris. Et souvent, il y a des troubles du langage très embêtants, beaucoup plus sévères que les troubles du langage portant sur l'expression. Pourquoi ? Parce que la compréhension est touchée. Et donc, ce sont des gens qui vont avoir un caractère, quelquefois, ils ne comprendront pas pourquoi ils ne sont pas compris. Et donc, il va y avoir donc des problèmes de caractère. Et il faudra toujours les rassurer, il faudra toujours faire comme si on les comprenait. Et c'est tout à fait important de savoir que ces gens-là même sont quelquefois atteints d'anosognosie, c'est-à-dire ils ne sont pas conscients de leurs troubles d'expression. Donc s'ils ne sont pas conscients de leurs troubles, ils peuvent naturellement raconter n'importe quoi et être pris pour quelqu'un de dément. Et vont se mettre en colère, et avec leur jargon, les gens vont se dire, mais vraiment, il est devenu complètement perturbé, et il faut faire très attention, il peut être violent. Vous voulez dire que lorsqu'on a des troubles qui portent sur l'expression, généralement les gens ont une conscience aiguë de leurs difficultés, et par là une souffrance, probablement très forte, qu'il faut prendre en compte dans la rééducation, et qu'à l'inverse, les gens qui ont des troubles qui portent sur la compréhension, et par là, qui s'accompagnent donc de cette espèce de jargon dont vous avez parlé, souvent n'ont pas une conscience exacte de la situation dans laquelle ils se trouvent, d'où une incompréhension, et d'où des réactions de caractère qui peuvent parfois être préjudiciables, ne serait-ce qu'à leur rééducation elle-même. Et tout ça doit être canalisé. Alors, quand on voit un patient pour la première fois, qui a été victime soit d'un accident circulatoire du cerveau, soit d'un traumatisme grave du crâne avec des lésions cérébrales. Comment est-ce que vous y prenez pour évaluer comme ça, ex abrupto, les capacités du langage de quelqu'un? Alors la première chose, c'est finalement de connaître un peu son passé. Tout à fait important, avant de faire un examen de langage, avant de le mettre dans une situation souvent d'échec. D'ailleurs, un examen de langage, c'est mettre le patient dans une situation d'échec. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Il faut faire des examens de langage, mais il faut aussi les mettre dans une situation pour que ça ne soit pas un échec. Donc la première chose d'abord, il faut connaître la personne, la personnalité de la personnalité qui n'est pas touchée. Donc il faut déjà avoir une conversation avec lui, montrer que finalement, on sait très bien qu'il n'est pas diminué, Mais comment vous voulez converser avec quelqu'un qui n'a pas le langage? Comment est-ce que vous y prenez? Par nos mimiques, notre regard. Le regard de l'autre chez l'aphasique, il est tout à fait important. C'est-à-dire qu'on va parler, et on va parler, et on va raconter, on va le noyer, je dirais, de phrases, avec beaucoup d'émotions. Et pourquoi noyer avec beaucoup d'émotions? Parce que justement, on va faire appel à l'hémisphère droit. Ce monsieur que nous voyons a eu un accident vasculaire dans le territoire sylvien. Il a fait une thrombose sylvienne, ce qui a entraîné une aphasie, un mutisme complet. La grande particularité de ce mutisme, c'est qu'il n'émet même pas de son. Il a ce qu'on appelle une apraxie de la voix, c'est-à-dire il ne peut pas faire marcher ses cordes vocales de façon volontaire ou même involontaire. Mais par contre, on arrive à le faire tousser, donc on entend ses cordes vocales. Il n'y a pas de paralysie des cordes vocales. Donc, à l'heure actuelle, le grand problème, c'est de faire sortir la voix, passer au-dessus de l'apraxie buccofaciale, et dire, on dit passer au-dessus de l'apraxie buccofaciale, cela veut dire que on ne va pas lui demander des comportements volontaires, on ne va pas lui demander de pousser un cri, on va lui voler un cri et on va lui voler un son. Puis après, on allongera le son. Il faut savoir aussi qu'on va travailler énormément sur la respiration. Dans l'expiration, normalement, les sons arrivent dans l'expiration. Et on va voir que finalement, on aura simplement un souffle et nous allons faire des rythmes respiratoires pour aussi pouvoir retrouver le son. Il a l'apraxie de la voix et il ne peut pas faire marcher ses cordes vocales. Il n'y a pas du tout de paralysie de cordes vocales. Mais il ne peut pas faire marcher ses cordes vocales. Alors on va faire ça avec des rythmes, oui. En faisant aussi, en décontractant absolument larynx et pharynx, parce que larynx et pharynx sont l'un à côté de l'autre. Donc si je le fais boire un petit peu, fais passer, automatiquement ça détend les cordes vocales, et donc pour les mobiliser c'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est théorique tout ça, hein? C'est la théorie, oui. Alors la pratique, il y a autre chose. Tout ça. Tout à fait autre chose. Comment elle est l'eau? Elle est... L'eau est... L'eau est très... Allez, on y va. Un. deux, arrêtez, arrêtez mon ami, mon ami. Arrêtez, arrêtez, j'en aime. Voilà. Ma. Allez, mon cher. Ma. J'en ai. Il y en a vraiment. Mais revenons un instant là sur cette histoire d'évaluation précise des capacités. Vous dites, d'abord, il ne faut pas mettre le patient en situation d'échec. Donc, essayez de lui transmettre quelque chose, vous lui transmettez l'émotion, vous lui transmettez l'empathie presque que vous avez avec lui. Mais derrière ça, il faut aussi faire une évaluation objective. Oui. Alors, on va faire une évaluation objective, naturellement, et de la compréhension. D'abord, la compréhension, lui faire des épreuves de désignation, des épreuves de choix multiples. Prenez un exemple. Vous lui montrez quoi? Un stylo et vous. Je lui montre d'abord un objet comme le verre, la bouteille, le stylo, et on va leur demander de désigner. Donnez-moi le verre, donnez-moi la bouteille, et donnez-moi le stylo. Alors s'il ne peut pas, disons, désigner, ça veut dire qu'il n'a pas compris le mot verre, le mot stylo et le mot bouteille. Alors il est certain que on va tout de suite évaluer aussi la compréhension avec un contexte. C'est parce que la plupart du temps, il va comprendre si on dit « Vous avez soif, il y a une bouteille sur la table, vous pouvez l'utiliser. » Il va tout de suite regarder la bouteille et nous donner la bouteille. Le stylo, c'est exactement la même chose. On va lui dire « Mais vous ne pouvez pas écrire de la main droite parce que vous avez la main paralysée, mais vous allez pouvoir écrire de la main gauche. C'est tout à fait possible, mon cher. » Et tout de suite, il va regarder le stylo et il nous donnera le stylo. C'est-à-dire que tout de suite, on arrive à distinguer deux types de compréhension. Une compréhension qu'on appelle concrète, montrez-moi le stylo, montrez-moi le verre et montrez-moi la bouteille, et une compréhension, émotionnelle et situationnelle, qui est un autre type de compréhension. Alors ensuite, il y a le problème de l'articulation. Lorsqu'on voit que quelqu'un dit tout le temps la bouneille pour la bouteille, eh bien naturellement, il a un trouble arthrique. Et donc, on va faire des épreuves de répétition de mots et de répétition de phrases. Et puis, vous avez le problème de cette personne qui peut rien répéter. Pourquoi? Parce que ils ont une grosse apraxie de la voix et buccofaciale. C'est-à-dire que, volontairement, ils ne peuvent pas mobiliser leur corde vocale, ils ne peuvent pas mobiliser leurs lèvres et leur langue pour dire le mot bouteille ou le mot verre. Donc, s'ils ne peuvent pas mobiliser leur langue ou leur... C'est ce qu'on appelle une apraxie buccofaciale. Ce n'est pas un problème paralytique, c'est un problème de l'impossibilité de faire un mouvement volontaire. Et là, c'est tout à fait important donc de passer un test pour montrer que cette apraxie buccofaciale. Et cette apraxie. Alors, la compréhension en situation ou abstraite, les difficultés éventuelles que l'on peut avoir à bien placer sa langue, ses lèvres, pour effectuer pour donner un son correct, et après? Et après, d'une épreuve de dénomination, savoir finalement si les gens ont un manque du mot, c'est pourquoi ils ne peuvent pas dire le mot verre, pourquoi ils ne peuvent pas dire le mot stylo ou le mot bouteille. Donc on va leur demander de dénommer des objets, plusieurs objets, et on va se rendre compte tout de suite que quelqu'un qui va appeler la bouteille une bassine, on saura très bien qu'il a une atteinte temporale très importante, qu'il a une aphasie sensorielle ou une aphasie ou un jargon, qui est un jargon. Ça veut dire, si on donne un mot pour un autre et on dit bassine au lieu de bouteille, bon, on a un jargon plus ou moins compréhensible. Oui. Mais on peut avoir aussi, quand on dit « montrez-moi la bouteille », quelque chose qui est difficile à comprendre. Et si on dit « donnez-moi quelque chose qui permet de boire », est-ce que là, c'est quelque chose qui est plus facile, qui facilite le oui, parce que ça fait appel. Alors, oui, parce que ça fait appel à d'autres zones du langage, et en particulier, ça fait appel à la compréhension, à cette compréhension émotionnelle qui se trouve justement dans l'hémisphère droit. C'est là où l'hémisphère droit commence à vraiment intervenir. Si je comprends bien, pour résumer ce que vous avez dit avec quelques exemples, et c'est pas toujours très facile à comprendre, on peut distinguer deux grands types de troubles du langage. Ceux qui ont une réduction très importante de leur langage et qui peut confiner à ce qu'on appelle un mutisme, c'est-à-dire ils comprennent généralement bien ce qu'on leur dit, mais le stock verbal est très appauvri. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont un flot de mots, ils parlent sans arrêt, de façon parfois totalement incompréhensible. C'est ce qu'on appelle à l'extrême un jargon, et que ce sont deux types d'aphasie qui sont liés à des lésions de topographie différentes dans le cerveau et dont les principes de rééducation, évidemment, vont être différents. Et maintenant, quand je dis « je bois un café sur la table de la cuisine », je bois un café sur la table de la cuisine. Je bois un café sur la table de la cuisine. La table de la cuisine. Cuisine. Cuisine. Voilà. Très bien. Oui. Oui, c'est très bien. Monsieur Vandécoute, on est aujourd'hui dans le centre de rééducation de la Salpêtrière, où vous prenez en charge les patients qui souffrent du trouble du langage et qui sont donc aphasiques. Je crois que maintenant, vous allez pouvoir illustrer les propos importants que vous avez tenus tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on évalue les capacités de langage d'un patient qui a été victime soit d'un traumatisme, soit d'un accident vasculaire, soit d'une tumeur, ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire ressortir, à faire jaillir les capacités conservé de ce patient. Ne pas s'acharner sur ce qu'il a perdu, mais au contraire, essayer de valoriser, de dynamiser tout ce qu'il a conservé de son passé. Et l'exemple que vous allez nous donner maintenant, c'est justement l'illustration de la distinction qu'il y a entre la perte du langage, la conservation du rythme, de la mélodie, de la musique, deux hémisphères cérébraux différents, et comment, à partir de la préservation des capacités de rythme, de musique, un sujet aphasique peut retrouver ses capacités de s'exprimer. Je vous présente notre ami Hamid Kaddouch, qui a eu une rupture d'anévrisme et qui s'est retrouvé avec une aphasie global, mais surtout avec des problèmes d'articulation et des problèmes aussi de conscience du son. C'est-à-dire qu'il avait une surdité verbale et ne pouvait pas s'entendre dire les mots. Et là, nous avons offert tout de suite deux épreuves pour bien montrer son problème. Je lis un journal dans le métro. Répète-moi. À mon temps. Alors, il donne la phrase sans les éléments syntaxiques qui sont très très vagues, mais ils sont souvent, ils ne sont pas là. Donc, on va lui redonner avec la mélodie. Et il va nous dire je lis un journal dans le métro. Je lis un seul à le dans le métro. Je lis un seul et le. Où ça? Non, où lisez-vous le, où lis-tu le journal? Seul. Tu le lis? La lis. Oui, mais tu le lis où ça? Seul. Non. Dans le métro. Et là. Non. Dans. Se lit en seul. C'est trop vite, c'est trop vite, c'est trop vite. C'est trop vite, je ne donne pas avec mélodie. Hein? Alors allons-y. Il faut que ce soit. Je lis un journal dans le métro. Celui. Celui a seul dans le menton. Dans le menton. Oui, c'est bien. Métro. Merton. Métro. Menton. Voilà. Très bien. Alors, vous venez de nous montrer ce trouble assez singulier du langage, où on voit bien la double dimension, à la fois la difficulté de perception et la difficulté d'expression. Maintenant, il y a d'autres catégories de troubles du langage, et dans le cas peut-être que vous allez nous présenter maintenant, ce trouble est essentiellement caractérisé par des difficultés de dénomination, c'est ça? Voilà. Là, je vais vous présenter M. S, qui à la suite aussi d'un accident vasculaire important, Sylvien, a eu une suppression du langage. Artère sylvienne, c'est une artère du cerveau qui assure la vascularisation de la plus grande partie, de la quasi-totalité des aires du langage. Et donc, quand l'artère sylvienne se trouve bouchée, il y a immanquablement, lorsque la lésion siège du côté gauche chez les sujets droitiers, une aphasie. Donc, monsieur a été victime d'un accident vasculaire touchant ce territoire artériel. Tout à fait. Et il se trouve qu'il est surtout atteint dans la région temporale, c'est-à-dire là où se trouve la sensibilité du langage et aussi là où se trouve la compréhension. Et là, nous allons voir un peu son grand problème, c'est la difficulté pour lui de dénommer et d'avoir tout un stock lexical à sa disposition. Monsieur Sisler, qui est médecin d'ailleurs. Bonjour. Et vous habitez où? Morancy. D'accord. Vous êtes marié? Marié, bien sûr. Vous avez des enfants? Oui, trois enfants. Oui. Deux filles et un fille. Et un fille. Alors ça c'est une persévération, il voulait dire un garçon. Un garçon. Un garçon et deux filles. Très bien. Oui. Et vous avez une fille qui est loin? Oui, loin, loin. Où est-elle? À Californie. Californie. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner... C'est soleil. D'accord. Et vous prenez la mélodie quand vous voulez. Fleur. Je bois. Hein? Une bouteille d'eau. Je bois une bouteille d'eau. Là, je bois une bouteille d'eau. D'accord. Chat. Alors là, ce sont des paraphasies. C'est-à-dire que la sensibilité du mot, il a le mot, oui, mais il n'a pas la sensibilité correcte du mot, et il a besoin d'avoir des approches du mot. C'est ce qu'on appelle les paraphasies. Et là, il a des chacots, chavots, et on va voir. Et ce n'est pas un problème articulatoire. Chameau. Chapeau. Chapeau. Chapeau. Très bien. Mais vraiment, c'est chapeau. D'accord. Vraiment. On va arrêter là. Très bien. Alors, de ces deux exemples que vous venez de nous donner, monsieur en écoute, que peut-on en conclure? On peut en conclure que bien souvent, la distinction entre aphasie motrice et aphasie sensitive, c'est-à-dire jargon et mutisme, cette distinction, cette séparation, elle n'existe, la plupart du temps, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, les deux zones du langage sont touchées. En particulier, comme vous veniez de l'expliquer, les troubles sont aussi bien des troubles sensoriels ou sensitifs que des troubles articulatoires. Vous écoutez Avec ou sans rendez-vous, l'émission médicale de France Culture, et nous traitons aujourd'hui de la rééducation du langage chez l'adulte avec monsieur Philippe Van Écoute, qui est orthophoniste, fondateur du groupe des aphasiques d'Île-de-France, et qui vient de nous expliquer comment, au cours d'une évaluation primaire, initiale, il fallait d'un côté ne pas mettre le patient en situation d'échec, et d'un autre côté, essayer de voir par quel biais, à travers quelle structure restante, il était possible de mettre en œuvre à nouveau des structures ou des circuits qui pouvaient permettre aux gens de retrouver le langage perdu. Alors, Philippe Van Écoute, quelles sont schématiquement les grandes stratégies thérapeutiques auxquelles on peut faire appel ? Alors les grandes stratégies thérapeutiques, c'est finalement d'évaluer ce qui est conservé. D'évaluer ce qui est conservé dans les fonctions langagières. C'est-à-dire, il peut y avoir la possibilité de faire des gestes, tout à fait important, de faire des mimiques, et c'est tout à fait important d'utiliser mimiques et gestes, et d'utiliser ensuite les compétences de l'hémisphère droit. Et quand je vous disais tout à l'heure que... C'est quoi les compétences de l'hémisphère droit? Parce qu'on a dit le langage, c'est le sujet droitier, il siège dans l'hémisphère gauche. Quand l'hémisphère gauche est touché, il y a des troubles du langage. Maintenant, l'hémisphère droit, c'est quoi? Il sert à quoi? L'hémisphère droit, il sert à exprimer... d'abord, l'hémisphère droit est le siège de la personnalité. C'est-à-dire que la personne aphasique a la même personnalité. Mais malheureusement, l'aphasie vient masquer cette personnalité. Ça rappelle des vieux combats. Ce sont des vieux combats. Des vieux combats qui remontent à, je dirais, au début du siècle, avec un Lyonnais qui s'appelle Froment et un Parisien de la Salpêtrière qui s'appelle Pierre-Marie. Et l'un disait, Pierre-Marie disait que la personne était très diminuée et même avait utilisé le mot imbécile. L'aphasique était un imbécile. Était un imbécile, oui. Tandis que Froment a dit non, L'aphasique n'est pas un imbécile, il est ce qu'il était avant. Malheureusement, le drame de perdre son langage vient masquer absolument cette personnalité et il perd absolument toutes les possibilités d'exister. Donc la première des choses, c'est finalement de lui redonner cette dignité, cette individualité qu'il a. Alors, car cette personnalité se trouve dans l'hémisphère droit. Et ensuite, il y a aussi tout le côté émotionnel, l'émotion. Et l'émotion se trouve dans l'hémisphère droit. Comme aussi la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie du langage. La mélodie du langage, c'est ce côté finalement très sympathique. Lorsque l'on parle, lorsqu'on veut convaincre quelqu'un, on utilise énormément cette mélodie. On utilise cette prosodie, c'est-à-dire cette mélodie du langage. Eh bien, elle se trouve ici, dans l'hémisphère droit. Et puis, il y a tous les dons. Et c'est ça qui est le plus important. Les dons, comme par exemple cette faculté de pouvoir percevoir les objets, de pouvoir percevoir le tout. Les dessinateurs, les architectes, les jardiniers sont des gens qui ont une richesse extraordinaire et qui une richesse que l'on va exploiter pour justement récupérer le langage. Donnez-nous un exemple parce que vous avez certainement... Le premier exemple, c'est en 1980, c'est l'histoire de ce dessinateur satirique qui voulait même se suicider, puisque le psychologue dans le couloir de la Salpêtrière avait dit « il ne pourra plus jamais redessiner, c'est terminé, il faut absolument essayer de lui trouver un travail dans une masse. » C'est une maison d'accueil pour grands handicapés. Bon. Et donc, il se mettait à pleurer, et c'est à ce moment-là où finalement... Moi, ayant appris, ayant lu dans la littérature un cas, en particulier d'un Russe qui avait récupéré l'usage de sa main gauche pour dessiner, qui avait, disons, dessiné de la main gauche, appris à dessiner de la main gauche, eh bien, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. D'abord, je lui ai demandé de dessiner son... Au moment où il pleurait, où il disait « moi, je vais me suicider », je lui ai demandé de dessiner son village, qui s'appelle Sabadell, d'ailleurs. Et il s'est mis à dessiner ce village avec un trait tremblé. Mais les notions de proportion et de perspective étaient là, bien conservées. Et naturellement, pendant un an et demi, nous avons fait une rééducation basée sur le dessin. Et basée sur le dessin et aussi sur les anecdotes écrites. C'est-à-dire qu'il donnait des mots pour raconter ses dessins. Et cette rééducation a été quand même très très longue, mais à l'heure actuelle, il fait des bandes dessinées, et il dessine sans trembler, et de la main gauche, peut-être mieux que de la main droite. Et le langage ? Et le langage est revenu, naturellement, avec le dessin. Et maintenant, il parle, il écrit très très bien, et il parle, il est encore un peu réduit, c'est-à-dire son élaboration est un peu limitée. Il faut savoir que, finalement, quand, c'est une escroquerie quand on dit que, d'abord, orthophonie, c'est-à-dire rendre le langage droit, normal, c'est souvent une escroquerie. On ne reparle jamais, malheureusement, comme avant. Quand on a une aphasie sévère, quand on a vraiment lésion des zones du langage, c'est important de savoir que finalement, on parle différemment. Mais lui parle très très bien. Il peut s'exprimer même en public, mais il va parler beaucoup plus lentement, et son langage, son expression ne sera pas la même. Par contre, s'il s'exprime par le dessin, il va pouvoir exprimer absolument toute l'élaboration de sa pensée. Alors, vous nous avez bien parlé de l'appel que vous avez fait aux capacités, aux dons qu'avait ce dessinateur. Bon, tout le monde n'est pas un dessinateur, mais la prosodie, la musique, la mélodie du langage, comment y fait-on appel ? Alors, chose tout à fait intéressante, c'est justement ces patients qui étaient incapables de dire le do, mais qui chantaient le mot do. Si on disait quelle est la première note, il disait do, il se mettait en situation, s'il était musicien, en disant la situation de dire do. Si on lui disait par exemple lune, le mot lune, donnez-moi, par contre, il n'arrivait pas à dire la lune, même à répéter la lune, mais par contre, si on lui disait, monsieur, chantez au clair de la lune, et naturellement, il vous disait le mot lune, très bien articulé. Et c'est ça qui nous a permis, nous a réveillés, et les Américains se sont d'abord réveillés, et en particulier, à Boston, Goodglass et Spax, c'est le docteur Spax, ont fait une méthode. Et cette méthode, moi je l'ai traduite en français, je l'ai adaptée au français, et on utilise une mélodie, une prosodie très différenciée, mais très simple. Il n'y a que deux notes, une note grave et une note aiguë, et la différence entre ces deux notes est une carte, Et ça donne ainsi des phrases, on arrive à véhiculer n'importe quel langage sur ces mélodies. C'est « Je demande un stylo pour signer mon nom ». Ce sont des fruits. Ce sont des fruits. C'est exotique. C'est exotique. C'est la vérité. C'est bien le parapluie. La vérité. Monsieur. Alors, écoutez-moi. La partie est gagnée. Le travail est pénible. La musique est de Mozart. La musique est de Mozart et de Bach. Il y a des fruits sur mon lit. Où ça? Dans mon lit. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre lit? Des fruits. D'accord. Allez-y. Vous en voulez quelque chose? C'est du raisin. C'est très bon celui-là. Oui. Oui, c'est sympa ce qu'ils m'ont dit. Je reprends mon chemin. Je reprends votre chemin. D'accord. Je revois mes amis. Persévérer. Vous persévérez sur le mot qui a été dit avant. Au lieu de dire « je revois mes amis », vous dites « je reprends ». Tout à l'heure, je reprends les fruits. Ouais. C'est génial. Vraiment. Je ne sais pas si c'est génial, c'est bien. Ah si, mais... Elle a fait du progrès. C'est invraisemblable. Depuis jamais, c'est vrai. Oui. Ah oui. Je vois, et là c'est un petit peu la fatigue, Tout à l'heure, oui. Très bien, tout à l'heure. Et j'ai retrouvé plein de mots. Hein. Oui, ah oui, absolument. C'est génial. Et alors, ce qui est très drôle, c'est quand j'ai réussi, quand je sais mon mot, je peux l'écrire. Mmh. Et sans aucun doute. Mmh. C'est marrant. Voilà. Et si vous n'avez pas le mot, je ne sais pas l'écrire. Je ne peux pas. C'est une question de tout va revenir. Les émotions sont utilisées aussi énormément pour pouvoir finalement l'utilisation de textes et d'histoires qui mobilise toutes ces émotions sont données au patient. Et le patient lui-même va sortir de lui-même en critiquant ce qui est dit dans ces textes. Alors, les textes, c'est-à-dire... Prenez un exemple. Je prends un exemple, c'est-à-dire un homme marche dans la rue, il bouscule une dame qui n'est pas contente et qui lui donne une paire de gifles. Et naturellement, l'homme chancelle et tombe par terre. La femme est désolée, et puis, alors, on va commencer, on raconte une histoire comme ça, et on va demander au patient, finalement, de dire qu'est-ce qu'il ferait, lui, si... Il s'implique dans l'histoire. Il s'implique dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de raconter une histoire, mais pour que lui-même s'implique dans l'histoire. Mais alors, ces procédés qui font appel, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la personnalité des gens, on est sûr que ça marche bien, ça ? On a des preuves aujourd'hui que la rééducation, telle que vous la faites, ou telle qu'elle est faite dans le monde aujourd'hui, est supérieure à ce que serait l'évolution spontanée d'un trouble une fois qu'il est acquis par la maladie. Bien sûr, parce que c'est un problème d'activation. Et là, à l'heure actuelle, on a le plus grand cadeau qui a été fait aux orthophonistes, ou à moi-même plutôt, c'est finalement l'imagerie fonctionnelle. L'imagerie fonctionnelle, le TEP, c'est la tomographie par émission. Vous expliquez là. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que avant, on avait, on passait des examens statiques, comme par exemple l'IRM ou le scanner, où on voyait une image de la lésion, mais on ne voyait pas du tout l'évolution de cette lésion et surtout qu'est-ce qui se passait lorsque finalement on disait un mot avec mélodie ou sans mélodie. Et c'est ce qui a été fait sur cette patient. Cette patient bénéficiait justement de cette imagerie fonctionnelle. Cette imagerie fonctionnelle permet de montrer ce qui se passe dans le cerveau lorsque finalement on se met à chanter, on se met à utiliser cette mélodie et on arrive à voir ainsi un résultat tout à fait intéressant. On croyait que le patient qui récupérait 6 mois ou 1 an plus tard, on pensait que ce patient... Finalement, on avait remis du langage dans l'hémisphère droit, parce qu'on utilisait justement la mélodie. Or, c'était tout à fait faux. Ce qui était intéressant, c'est de savoir que la mélodie venait activer les cellules périlésionnelles, et l'imagerie fonctionnelle a permis de montrer l'existence de tissus détruits et l'existence de tissus désactivés. Et en particulier, la mélodie est un activeur de ces tissus désactivés. Ça veut dire que, en quelque sorte, vous mettez sur pied des systèmes, ou vous activez des systèmes qui sont des systèmes compensatoires. C'est-à-dire, on ne va pas récupérer la lésion nécrosée, la tumeur qui a été enlevée. Tout ceci, c'est quelque chose de définitif. Mais grâce au système que vous développez, vous pouvez mettre en œuvre des systèmes qui vont pallier le trouble du langage en mettant en jeu d'autres fonctions. Voilà. C'est ça, Absolument. Donc, et des fonctions qui n'ont pas été touchées. Voilà. Bien sûr. Je dois préciser. C'est pour ça qu'il y a une grande différence finalement aujourd'hui dans la façon dont on prend en charge les patients qui souffrent d'aphasie. Il fut un temps probablement où on avait tendance à s'acharner sur le langage et aujourd'hui on le fait appel à des moyens qu'on pourrait qualifier de détournés. Voilà, absolument. De détournés et de ne plus axer les gens sur leurs problèmes et sur leurs lésions. C'est-à-dire que on va pas mettre en évidence leurs lésions, on va pas mettre en évidence leurs troubles, on va mettre surtout en évidence ce qui vient permettre la possibilité d'exprimer des mots ou des phrases. Philippe Bornécoute, merci. Alors, nous venons d'entendre Philippe Van Écoute, qui est orthophoniste, et qui nous a expliqué que la rééducation du langage chez les patients souffrant d'une aphasie faisait appel à la mise en œuvre de systèmes qui étaient préservés après soit un accident vasculaire cérébral, soit un traumatisme du crâne. Bon, il faudrait quand même qu'on voit un peu plus clairement les choses, autrement dit scientifiquement, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au professeur Laurent Cohen d'intervenir ici. Laurent Cohen est neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste de l'aphasie. Laurent Cohen, est-ce que la rééducation du langage fait du bien ou pas, finalement? Alors, c'est très clair que les cliniciens, que ce soit des orthophonistes ou des neurologues, ont absolument envie de dire oui, évidemment que ça fait du bien, et je crois d'ailleurs que c'est vrai que ça fait du bien. Maintenant, si on regarde la littérature scientifique qui est parue sur la rééducation, la situation est extrêmement compliquée et confuse. C'est-à-dire que si on veut regarder les choses du côté pessimiste, il y a quelques méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de toutes les études scientifiques portant sur le sujet qui ont été faites. Et il y a certaines des méta-analyses qui disent, bon, si on regarde tous les travaux qui ont été faits, eh bien c'est bien difficile de dire que la rééducation par des professionnels fait plus de bien que simplement l'aide de la famille ou que rien du tout. Donc il y a des études assez pessimistes qui probablement sont pas dans le vrai. Parce que ce sont des études qui mélangent des pommes et des poires d'une manière épouvantable. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est que les patients aphasiques sont extraordinairement différents les uns des autres. Hein, il y a beaucoup de patients très différents qui évoluent spontanément de façon très différente. Il y a des tas de méthodes de rééducation différentes. Il y a beaucoup de ces travaux qui portent sur un tout petit nombre de patients qui sont très difficiles à généraliser. Donc si on met tout ensemble, c'est difficile d'avoir une vue exacte de ce qui se passe. Maintenant, si on regarde des études beaucoup plus sélectives, beaucoup plus serrées, dans lesquelles on sélectionne des patients bien définis, avec une méthode bien définie, etc., eh bien on peut probablement être plus optimiste. Je pense par exemple à une étude qui a été faite il y a 2-3 ans, sur une méthode parmi d'autres, hein, qui est une méthode de rééducation de l'aphasie dans laquelle on fait un traitement très intensif de rééducation par des orthophonistes pendant quelques semaines. Sur quelques semaines, en les empêchant d'utiliser toutes les autres modes de communication à part le langage, eh bien, par exemple, cette étude-là montre que on peut avoir un bénéfice absolument objectif quand c'est fait par des orthophonistes. Donc, oui. Donc, on peut dire, Laurent Cohen, que de l'avis quand même oui. de ceux qui connaissent le sujet, la rééducation incontestablement fait du bien. Mais oui. alors, ça fait du bien surtout si c'est commencé tôt. Le plus tôt possible après l'accident. Oui, c'est ce qui se fait aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement, exactement. Alors, tel est le cas, et encore une fois, c'est le cas, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour permettre cette récupération du langage perdu? Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, on ne pouvait pas répondre purement et simplement à cette question, parce que il n'y avait pas moyen de voir finalement le cerveau en action, de voir le fonctionnement cérébral dans le domaine du langage après la rééducation, avant la rééducation, pendant la rééducation, etc. Bon, ce qui a changé les choses, c'est l'imagerie fonctionnelle cérébrale, c'est-à-dire le fait qu'on a des techniques, l'IRM fonctionnel par exemple, ou le PET scan, etc., qui permettent de voir comment fonctionne le cerveau pendant qu'on fait des tâches de langage, pendant qu'on parle, pendant qu'on essaie de comprendre des phrases, etc. Donc ces techniques-là donnent un espoir de comprendre comment marche la rééducation et comment marche la récupération de l'aphasie. Alors pour l'instant, la situation est pas claire, à vrai dire. Ce qu'on peut peut-être dire, en gros, il y a quand même quelques idées qui ont l'air d'être à peu près vraies, c'est que la récupération de l'aphasie, ça marche en plusieurs étapes. Ce qui se passe juste après un accident vasculaire cérébral, c'est que il y a une région qui est lésée, mais il y a aussi une région tout autour qui est pas complètement détruite autour de l'accident vasculaire, mais qui fonctionne pas, hein. C'est ce qu'on appelle la pénombre, et pendant quelques jours, il y a une région autour de l'accident qui fonctionne pas, mais qui va en quelques jours recommencer à marcher. Et donc ça va être une récupération très précoce finalement et un peu spontanée. Il y a une deuxième chose, c'est qu'au cours des semaines ou mois qui suivent, eh bien, il y a un certain nombre d'autres régions reliées dans le cerveau à la région qui est détruite, qui, au début, sont sidérées. Hein, sont sidérées, elles sont liées à une région détruite, elles cessent de fonctionner. Mais, avec les semaines et les mois, elles vont recommencer à fonctionner. Et là, c'est un deuxième niveau de récupération. Et puis il y a un troisième niveau de récupération qui est qu'à long terme, finalement, au cours des mois et des années, parce que ça ne s'arrête pas, eh bien, le cerveau, qui est une machine à apprendre, eh bien, réapprend à développer des stratégies, à utiliser des réseaux plus ou moins intacts pour récupérer plus ou moins ou contourner les déficits. Alors, ce qu'il faut retenir, Laurent Cohen, et je vous remercie de votre intervention, c'est d'un côté que la rééducation repose sur des bases qui sont des bases aujourd'hui assez claires, solides. Deuxièmement, que la rééducation doit être commencée tôt. Et troisièmement, et c'est une information que vous venez de nous donner qui est importante, c'est que la rééducation doit être poursuivie, puisqu'il y a des mécanismes qui se développent au fur et à mesure du temps, qui ne se mettent en jeu que de façon retardée. Donc, rééducation précoce, rééducation aussi prolongée, ne pas baisser les bras. Laurent Cohen, je vous remercie. Je vous en prie. Cette émission d'Olivier Lioncan a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Gilles Mardy-Rossian, avec Véronique Amiot à la prise de son. Vous pouvez podcaster cette émission durant une semaine et la réécouter durant un mois sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com. À la semaine prochaine.